maintenant, les hommes et les femmes, on se protège quand même un peu, hein, tous, quand on se rencontre. Mais lui, pas du tout. Puisqu'il sait que je suis la femme de sa vie. C'est bouleversant. Ne protège pas, c'est un livre ouvert, il n'a pas de carapace, juste beaucoup de toupets. Accueillons le baron de l'amour, le souverain des cœurs, votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Oh! Bonsoir tout le monde, bonsoir, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps ben, de nous mettre beau pour la Saint-Valentin. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir, mais il me semble qu'on est déjà beau, là. Regarde-nous. Là. Je le sais bien. Je le sais bien, on est très beau. La cravate pis tout. Mais on est beau à chaque semaine, mais particulièrement ce soir. Ouais, particulièrement moi, en fait. On est sur notre... Ouais. C'est vrai que vous avez lâché votre vieux t-shirt rempli de graisse. Ben oui. Non, mais on est très énervé parce que c'est notre édition spéciale de la soirée est encore jeune de la Saint-Valentin. On s'en peut plus, honnêtement. On s'en peut plus, c'est presque aussi excitant de gagner une médaille à cette chic. Ah! Écoutez, mais ça aussi, c'est excitant, Fred, dans les médailles que nos athlètes québécois ont gagnées cette semaine à Sochi. J'ai le frisson juste à y penser. C'est extraordinaire. Le frisson, faut pas virer fou. Là. Les médailles ont été gagnées dans des sports qu'on a inventés. Là. On est seul à faire ça. Qui vous êtes cynique, Fred Savant? Franchement, bon, c'est vrai qu'on a inventé le patin courte piste parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir une longue piste. Ouais. Mais c'est quand même pas nous qui avons inventé le ski de rampe sur escalier. Non, hein? Ouais, ça, c'est spécial. Faut-tu vouloir une médaille? Font ça à l'envers! Mais c'est la Saint-Valentin, Fred, et je pense qu'il faut parler d'amour. Oui. Hein? C'est, oui. C'est ça qu'il faut parler d'amour. Mais là, il n'y a pas juste ça, l'amour, Jean-Philippe. Ça a été une grosse semaine dans l'actualité, quand même. Le PQ qui va driller à l'île d'Anticosti, le budget fédéral. Ben voyons donc. Mais moi, c'est l'amour que je cherche. Il n'y a pas d'amour dans le budget fédéral. Donnez-moi de l'amour, Fred. Ben, à la Commission Charbonneau, on a appris que des grutiers étaient payés à rien faire ces chantiers d'Hydro-Québec avec nos taxes. C'est pas de l'amour, ça. Non, il paraît qu'il aimait beaucoup jouer aux cartes puis pendant qu'il se pognait le beigne. Ah oui, aimer jouer aux cartes, c'est un peu de l'amour. Ben puis se pognait le beigne, à quelque part. Ben oui. C'est de l'amour. C'est de l'amour aussi. Hein? Faut juste aimer la costade. Oui, faut être un fan de costard, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Sinon, il y a Sun News cette semaine, là, l'animateur de Sun News qui a avoué qu'il adorait le français. Vous avez suivi ça? Hein? Ah, il aime le français. Ah, oui. Hein? Ça vient du cœur, lui. Hein? Surtout à CBC. Oui, oui, oui. Il capote bien raide là-dessus. Même sûr que son patron, il a dit d'aimer mieux ça, même en plus. Au oui, il s'en est excusé tellement qu'il aime les francophones, ce monsieur-là. Hein? C'est qui là, déjà le grand patron de Sun News? Pure Carl Pilludo. Ah, ouais, voilà. Ouais. Un autre qui cherche l'amour ce temps-ci. Non, hein? C'est vrai. OK. Non, mais il y a de l'amour partout, Fred. Oui. Hein? Faut juste regarder avec les yeux du cœur. Ah. Hein? Puis ça, vous vous rappelez, ça vient de Jerry Boulet. Ben hein? Oui. Et lui, d'ailleurs, si on l'avait pas regardé avec les yeux du cœur, je suis pas sûr qu'on l'aurait aimé. Non, c'est hein? Vrai. OK. Fallait aimer le poil. Oui. Prenez le député. Et la costade. Lâche la costade, en fait. Non, j'avoue. OK. Prenez le député libéral Henri-Paul Gautrin. Ah, y en a-tu dégagé de l'amour, lui, cette semaine? Lui, il y en a de l'amour. Mais de l'amour pour qui? Pour Philippe Couillard? Non, je pense qu'il n'y a plus personne qui l'aime, Philippe. Mais non, je pense que c'est de l'amour pour le PQ. Ah! Il le voit dans sa soupe, le PQ. C'est bien pour dire que l'amour rend aveugle. Là. Ah, ça! Mais là, on arrête-tu de parler d'actualité? Oui. Je suis beaucoup trop excité pour lire les journaux non, cette semaine. Franchement, là, on a tellement une belle émission pour vous. Je n'en peux plus d'attendre pour faire venir notre première invitée. Vous voulez la faire venir tout de suite, vous êtes bien pressé. Que c'est mal tourné, ça, Fred. Non. Et c'est surtout parce qu'elle n'est pas seule ce soir. Ah, dis-moi pas qu'elle est venue avec Bernard Pivot en plus. Ben non, notre belle Denise, mais non. Elle est venue avec sa grande amie, hein, son invitée à elle, la Grand Jaune. Qui ça? Ben voyons donc! La grande race de démon, Denise Filiatro! Ah! Hein, Denise Filiatro ben qui est avec nous ce soir, qu'on est content. Pour la Saint-Valentin, mais... Avant de recevoir Mme Filiatro, on commence tout de suite avec ma Valentine, hein? Oui. Avec celle qui a pris les rênes de l'émission pour cette soirée. On lui a donné comme ça un grand cœur. C'est le temps de l'inviter, Fred Savard. C'est sa troisième visite à l'émission. Elle nous a enjôlés les deux premières fois et nous portera certainement le coup de grâce de l'amour ce soir. Accueillons la maîtresse de nos ondes, Mme Denise Bombardier. C'est pour moi. On vous reçoit avec du champagne puis des roses. Oui, je on est pas ici, oui, là. Oui, oui, en attendant. On fera la place après. Faut se coller. Mon Dieu, que c'est déjà chaud. Hein? Non, mais mais détendez-vous un peu. Est-ce que je peux avoir un peu de champagne? Encore? Mais non, ça fait, je veux dire, vous y allez. Faut caler ce fond-là parce qu'on est rendu non. Au blanc, là. Non, ça, va, ça va refroidir celui-ci. Ah, d'accord, mais vous savez qu'il est blanc, c'est lui. C'est comme ça qu'il faut. Ah, ça, c'est du blanc? Ben oui, c'est ce que je disais. Quel impair! Ben. Écoutez, c'est un sacrilège. Oui, je sais. Ben, allez-y, cul-sec. Avez-vous été baptisé? Non. Non. Oui, sûrement, en fait, ça fait trop longtemps. Savez-vous ce que c'est qu'un sacrilège? Non. C'est ce que vous venez de faire. À mélanger le champagne rose. Ben écoutez, c'est un problème de riche. Madame Bombardier... C'est pas mauvais du tout. Madame Bombardier, merci de nous avoir choisis pour la Saint-Valentin. Parce que je sais que c'est important pour vous, l'amour. Et de passer votre soirée de Saint-Valentin avec nous, franchement, c'est parce que vous savez bien que j'ai un faible pour vous. Ah. Et mais j'ai la dignité de mon âge, alors. Mais on s'est déjà dit. Ouais. Vous m'avez dit si j'avais 20 ans de plus. Ouais. Moi, je vous dis si j'avais 20 ans de moins. Et qu'on se rejoignerait quelque part de fun. Mais oui, mais ça s'appelle la chronologie. Je le sais. Qui est mal en... Mais de toute façon, vous et moi sommes heureux en amour. Oui, oui, tout à fait, mais quand même. Time is a bitch, hein? On a une très, très belle soirée quand même qui nous attend. Mais vous savez que je vous aime énormément. Vous êtes la première personne à qui j'ai décidé de prêter mon micro. Même Fred Savard essaie des fois, puis jamais. Non, mais avec lui, je comprends. Mais remarquez qu'aujourd'hui, il est tellement élégant, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et puis en plus, il a l'air plus détendu qu'il y a un an, là, au même jour. Oui, c'est l'amour. Hein? C'est l'amour. J'en étais sûre. Vous savez? Vous savez quoi? Il y a les pommettes roses, un peu. C'est jogging. Non, je ne crois pas ça. Ouais. Non, je cours le jogging, ça fait comme des vergetures dans la... C'est pas terrible, le jogging. Coupe rosée. Et en plus, trop de jogging, c'est inversement proportionnel à ce que vous savez. Oui, ah oui, oui, quoi? Oui. Mais dites-moi donc. Ouais, le saut en hauteur. Méfiez-vous de ceux qui joguent trop. Mais je jogue trop, moi. C'est pas vrai. Ben oui, je jogue bien trop. Ne me dites pas ça, vous allez me décevoir. Mais c'est-à-dire, mais comment ça, donc? Combien de kilomètres par semaine? Faut-tu que je le dise ici? Mais c'est inversement proportionnel à quoi, là, juste avant que je le dise? Eh bien, vous allez voir, c'est parce qu'il ne faut pas dépenser l'énergie tout à même place. Ben, je sais pas, je dois faire 50-60 kilomètres. Par jour? Ben, par jour, 50-60, j'aurais pas de vie. Par semaine? Par semaine, oui. Ah, moi, je fais 6 km par jour. Ah, mais de marche? De marche? Ça fait 30... Ah, bon, ça va. OK, ça va. Ah, c'est bon? Non, okay. Non, ça va. OK, c'est parfait. J'ai eu un petit peu chaud, là. Hey, vous l'avez échappé, là. Vous savez qu'il y a un grand, grand malheur dans cette émission, c'est qu'on a des collaborateurs à qui on doit quand même parler. Oui. Ça, c'était écœurant. Bon, on peut les interrompre. Ben oui, tout à fait. D'ailleurs, on va commencer avec le premier. Il faut aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, vous êtes là? Ah, mon bonjour, Philippe. Comment allez-vous? Ça va très bien. Joyeux Saint-Valentin, hein? Vous, joyeux Saint-Valentin, Jean-Philippe. Ah, et vous savez qu'on a Mme Bombardier assise oui. ici? Oui. Ah, vous le savez? Non, absolument. Non seulement je le sais, Jean-Philippe, mais jamais depuis les débuts de la soirée, étant encore jeune, j'ai été aussi fébrile de savoir qu'une invitée était là avec moi en studio, Jean-Philippe. Ben, virez pas fou, là. Vous êtes même pas là, vous êtes au téléphone, vous. Oui, je le sais quand même, Jean-Philippe, mais c'est que Denise Bombardier est carrément une de mes idoles d'enfance, Jean-Philippe. Bon, quelle affaire plate vous allez nous sortir, vous, hein? Ben, honnêtement, absolument rien du tout, Jean-Philippe. Arrêtez donc. Il n'y a pas de blague qui va suivre cette déclaration-là. Il n'y a pas de chiennerie sale. Je suis véritablement un fan de Denise Bombardier. Ah, ben, je suis étonné. C'est juste que vous êtes tellement mesquin d'habitude. Ben oui. C'est une vraie bitch, Jean-Sébastien. Ben, écoutez, il y a toujours de la place pour la rédemption. Ouais, oui, ben oui, même petit peu. Exactement. D'ailleurs, quand j'étais adolescent, Jean-Philippe, pour vous donner l'idée, pendant que vous injectiez des drogues intraveineuses dans les ruelles sombres de Saguenay, moi, vous savez ce que je faisais? J'écoutais Noir sur Blanc. Ah, raison passion. Il a été à bonne école. Ah, ben. Les années-lumière. Ben oui, on a... Toutes les émissions animées par Mme Bombardier, Jean-Philippe. Parle-moi d'une jeunesse plate. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, parce que c'est la Saint-Valentin, parce que Mme Bombardier est sur place, parce que j'aime beaucoup Mme Bombardier, j'ai décidé de faire revivre l'émission Parlez-moi des hommes. Vous vous souvenez de cette émission, Mme Bombardier recevait sur un divan de cuirette beaucoup trop étroit des femmes qui venaient lui parler de leur relation au sexe opposé. Oui. Alors aujourd'hui, je vais reproduire cette émission-là. Je vais rencontrer trois femmes qui ont fait des choix amoureux un peu débiles, mais on va tenter de les respecter quand même. Je vais rencontrer trois amoureuses et j'ai nommé Madame Niquette, Madame Savard et Madame Vautier. Oh non, non, non, non, non, non, non, mais vous êtes fourrés! Hey! Oui. Oh non! Alors, dans quelques secondes, je vous retrouve avec la toute première épouse désignée, Madame Niquette. Ah, mon Dieu, qu'on a hâte! Oui. Merci, Jean-Sébastien. Bon, ben là, je vous ai un peu... On va prendre un peu de temps entre nous, Madame Bombardier, c'est vous. J'espère, parce qu'autrement, pourquoi vous m'avez fait venir? Ben non, je sais bien, mais de toute façon, vous allez mener la barre de l'émission pendant toute la soirée. Très je vous bien. Connais. Oui. Oh, non, je vous connais. Mais on va mettre les bases tout de suite, parce que c'est une émission sous le thème de l'amour. Mais là, on est en 2014. À quoi ça sert, l'amour, pour vrai, encore aujourd'hui? Eh bien, l'amour, ça ne sert pas. Ben, c'est ça, je me dis ça. Vous voyez, on a une heure à discuter d'absolument rien. Voilà, exactement. C'est fâchant de même, hein? L'amour n'a pas d'utilité. C'est pour ça que c'est l'amour. Mais pourquoi qu'il y en a encore aujourd'hui? Parce que je veux dire, par exemple, on a une bonne job, plein d'amis, un peu de pornographie sur Internet. La tour est jouée, on n'a pas besoin d'amour. C'est vrai. Bon. C'est vrai. Mais ceux qui n'ont pas besoin d'amour et qui pratiquent ce que vous décrivez... Allez-y. Qu'est-ce qui arrive quand ils commencent à vieillir? Ben, ils ont plus d'Internet. Mais c'est pas une meilleure collection. C'est pas la. Oui, ils ont plus d'internet, mais ça ne donne pas une idée juste de l'amour. Ben justement, c'est quoi l'amour pour Denise Bombardier? Parce que le, nous, on s'aime, on sait. L'amour. Mais... Ouais. Je vais vous dire ce que c'est. Ok, allez-y. Je vais vous dire ce que c'est pas. Ah, ok. Mon Dieu, que c'est stressant. C'est pas utile. Non, mais hein, ça, ça on n'est pas dans l'utilité. Non. C'est pas efficace. Non plus. C'est compliqué. Mais hein. Et c'est le plus grand des risques de la vie. Ah mon Dieu, que c'est le fun, hein? Mais pourquoi on aime ça, bon? Parce que quand on est dedans, ouais. On devient, on perd la tête. C'est ça le problème. C'est un peu comme l'alcool, en fait. Et ben non, mais on dit ça, on est rendu à notre cinquième verre de champagne. Toujours est-il que Denise Bombardier, elle, elle est en amour. Je vous entends toujours parler de Jim. Oui. Jim, c'est votre non, amour. Non, j'en parle pas. J'ai ben, écrit sur lui. Oui, oui, ben ça. Ben, d'ailleurs, demain, j'ai ma chronique. Dans le Journal de Montréal? Ben, ça, c'est parce que c'est à cause de ce qui est arrivé ce matin quand je me suis levée à 5h moins 4. Votre amoureux, vous avez quelque chose à 5h moins 4? Oui, c'est parlez-en. Un... Ben, je veux pas. Non, vous lirez demain. Ça, je peux pas dévoiler ça. Non, non, mais personne lit ça. Non, mais les Anglais aiment beaucoup les cartes. Les cartes. Les personnes ne savent vous les dire ici. Oui, non, ici. Ici, on lit le devoir. Oui, mais c'est le lectorat du devoir qui est assis mais ici. Mais ici, nous sommes dans un endroit confidentiel. Absolument. Parce que le Journal de Montréal a une pénétration de 4 millions par semaine, et mon cher. Mon Dieu, que c'est pas le 4 millions. Eh bien, oui. Eh bon, bien, oui. Alors. Bon. C'est beaucoup de pénétration, c'est ça. Beaucoup de pénétration. Oui. Oui, mais bon. C'est pour ça que ce n'est pas des enfants forts toujours. Moi, je le lis au Tim Hortons. Moi, je lis le Journal de Montréal au Tim Hortons, il est gratuit. Ah, bon. Mais continuez avec ça. Mais ça va continuer comme ça. De toute façon, tous les journaux vont devenir gratuits. Mais moi, je sais. Vous le savez. Alors, il faut essayer de parler de journaux. OK, parfait. Bon, hein, voyez. Alors? Le ce matin, 5h30, Jim. Non, Jim est couché. Ah, mon Dieu, c'est bien plate. Et je me réveille. Oui. 5h moins quart. Et mon Dieu. Moi, je réveille, il faut que je lise mes journaux parce que ma chronique n'est pas faite. OK. Et je m'en vais dans mon bureau. Ouais. Et là, je vois un sac sur le bureau. Un sac. Avec une carte. Un sac de poubelle, la plus un sac. Quétaine des cartes. La plus quétaine? Oui, ah, parce les que Anglais. Ça y a pris une demi-heure. Avec des petits chats, genre? Des petits brillants. Non, des papillons. Ah, c'est des papillons. Est-ce que c'est lui qui l'a fait? Non, il l'a choisi chez Jean Coutu. Il adore tout le stand des cartes. Chez Jean Coutu, ah, ben, ouais. Moi, je passerais des heures. Il adore heures, là, ça. Oui. Il les lit toutes. Parce qu'il faut. Oui, absolument. Et j'avais encore ma carte. Je les ai toutes depuis que je le connais. Pour vrai? Je les ai gardées. Qu'est-ce qui était écrit? Ah, ben ça, ce que lui m'a écrit, ce que la carte disait. Non, ce que lui a écrit. Ce que lui a écrit, on va y lire. Ce que lui a écrit, il m'a dit en gros qu'il ne m'aimait pas que dans le mois de février. Ah, oh, ça, c'est-tu fin, ça? Heureusement, hein? Ben, c'est le plus court mois de l'année. Ce qui est plus. Il serait chipette un peu. Excellent. Mais vous savez ce qui est le plus délicieux dans l'amour? Dites-moi donc. C'est quand on se réveille le matin qu'on ouvre l'œil comme ça. On est sur l'oreiller, on ouvre l'œil et on voit. La personne que l'on aime. Mais la mauvaise haleine, on fait quoi avec ça? Non, ben écoutez, moi, j'ai pas de problème. J'ai jamais connu. Vous avez déjà un problème de ça comme ça? Non, c'est... non, mais je me dis, c'est... Écoutez, on n'est pas hyper. Non, on n'est pas hyper frais quand on se réveille. Non, mais ça dépend. Quand on est jeune. Quoi vous ben, quand on est jeune, vous êtes jeune. Ça dépend de la veille. Ben, vous êtes et jeune. Puis quand on prend du rince-bouche, ça va? Ouais. Ah, mais c'est ça. Il faudrait avoir du rince-bouche. Ben oui, mais il faut en avoir. Il y a un système de pompe qu'ils mettent dans les oreillers. Ils vendent des oreillers avec un système de pompe. C'est pas vrai, ça. Oui, c'est vrai. Non, là, vous dites n'importe quoi. Mais on va l'inventer, ce système-là. Ça n'existe pas. Voilà. Toujours est-il que pour votre émission spéciale de la Saint-Valentin, vous avez décidé d'inviter votre amie Denise Filiatro. Oui. Pourquoi avoir choisi Denise Filiatro? Parce que j'aime les gens intenses. Denise Filiatro est intense? J'aime les gens qui ne font pas l'économie de ce qu'ils sont. Oui, non, je suis absolument d'accord avec vous. Et j'aime les gens dont tout le monde a peur. Hey boy, ben ça donne bien parce que moi, j'ai vraiment peur de Denise Filiatro. Je le savais. Mais c'est pas une blague. Hein? Mais tout le monde a peur d'elle, c'est normal, vous êtes intelligent. Ah! Mais comment je règle ça, cette peur-là? Eh bien, vous allez la recevoir, puis ça va vous apaiser. Mais est-ce que vous avez peur de Denise Filiatro? Non. Ah, donc vous n'êtes pas intelligente. Ça, savez-vous comment ça s'appelle? Non. Un sophisme. L'homme est un animal, le cheval est un animal, donc l'homme est un cheval. Avez-vous fait ça, des cours comme mais ça? Mais il y a des gens qui sont des chevaux, hein? Quand même. Hein? Oui. Les hommes, j'en ai mais rencontré. Mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Hein? Mais quand même, je pose la question. Pourquoi vous n'avez pas peur de Denise Filiatro? Mais parce que j'aime l'intensité. Et je ne fais pas l'économie de ce que je suis. Donc ah, fait que vous pas, êtes quand même je suis pas en terrain. Mais il faut dire quelque chose. J'avais je suis pas en terrain étranger. J'avais très peur de vous avant de vous rencontrer. Oui. Mais là, maintenant, je. Mais là, c'est comment? Ben, je bois une coupe de bière avant, c'est correct. De bière? Ben oui, mais comme on n'a pas tous les moyens de s'acheter du champagne. Mais pour, ne me dites pas ça avec vos émissions, avec vos cachets. Ne faites pas le coup de Patrick Lagacé. Quand non, même. Non, il n'y a non. pas d'argent. C'est trop, là. Mais avant, mais tant qu'à lui parler dans le dos à Mme Filiatro, pourquoi on ne l'invite pas? Eh bien, on ne lui parlera jamais dans le dos, Mme Filiatreau. De toute façon, elle se retourne plus vite. Elle est comme Lucky Luke. Arrêtez plus donc! Plus vite que l'éclair! Pour vrai? Oui! As-tu bien pas un gun? Non. OK, parfait. Elle a comme arme la parole. Ah, ben invitons-la immédiatement. Fred! C'est un monstre sacré de la culture québécoise puisqu'elle terrorise les comédiens et sacre beaucoup. Mais nous l'aimons passionnément et sommes très, très heureux de recevoir Mme Denise Filiatreau. Vous avez des roses, Mme Filiatreau. C'est pas moi. Ben oui, m'arrêtez donc, c'est bien sûr. Quelle délicatesse. Veux-tu les garder ou on les met sur la table? Mets-les sur la table, chérie. Merci. Dans le pot. On le savait, ils sont en plastique d'ailleurs. On se doutait bien que vous n'alliez pas les prendre. Mme Filiatreau, on est tellement... Votre verre de champagne, il est où, vous? Ben, je l'ai bu, il est là-bas. Ben, il y en a un autre, Denis. Non, pas tout de suite. T'es sûr, mais on fait l'émission, après c'est fini. Oui, c'est ça, c'est pas comme ben si non, on faisait 5 à 7. Ben non, ma rente de lait n'est pas finie, moi, je continue. Vous continuez? Ben oui, mais attendez un peu. Tiens, il y en a un verre ici. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Ah, je suis très, très content de vous. C'est vrai qu'il est mignon. Ben oui, mais je te l'avais dit. Très mignon. Merci beaucoup, c'est un peu... Et je te l'ai dit, c'est l'héritier de Jacques Normand. Oui, tout à fait. Bon, ben, c'est un bel héritage. En fait, je vous avais reçu pour que vous fassiez mon... Votre quoi? Votre procès, votre nom? Non, non, mais mon éloge. Ben voyez, c'est fait. C'est tout, mon Dieu. Non, c'est assez mieux, c'est mieux que la raison funèbre, quand même. Mais vous aimez les champagnes, Mme Filiatreau? Oui, beaucoup. On parlait de l'amour tout à l'heure, de l'amour de Denise Bombardier. Vous êtes avec Jim depuis combien de temps, Denise? 10 ans. 10 ans? Déjà? Oui, cher, mais ça passait vite. J'étais à ses noces. Elle était à mon mariage. Ah, oui, puis je pleurais. Puis t'as communié. Vous pleuriez? Ben, arrêtez donc. Comment ça, donc? Ben, je trouvais ça beau. Je trouvais ça charmant. Elle était belle à voir. Jim aussi. C'était un joli couple. Ça me rappelait ma jeunesse et pas mon mariage. Non. Mais Denise, elle a eu des amours flamboyants. Flamboyants? Oui. OK. Oui, mais enfin, c'était l'âge, c'était le moment. Mais elle ne peut pas avoir des amours neutres. Non, non, ce serait plate. Hein? Je veux dire, on a des amours comme on est. Il y a ça. N'est-ce pas? Il n'y a pas moyen d'avoir un amour, comme avec Jim, par exemple. Vous n'êtes pas calme, vous? Ah oui. Ah ben là, elle n'a pas le choix, parce que lui est très calme, heureusement. Non, mais c'est parce qu'il faut, il y a un moment, ça devient, il faut qu'à un moment donné, dans la vie, on arrive un peu à la sérénité. Mais ça n'est pas calme tous les jours. Mais évidemment, c'est beaucoup mon fait. Mais parce que c'est vrai qu'il est plus... Et justement, ce qu'il faut casser, c'est le... C'est parce que les hommes s'installent dans l'amour. Les hommes, c'est comme des chats. Ils s'installent, puis ils sont tellement confortables qu'ils ne bougent plus. Il y a ça. Alors les hommes, il faut un peu les secouer. Elle est pas bête, cette femme. Elle est pas bête. Moi, en amour, là, je dors 18 heures par jour. 18 sur... Il n'y en reste que 4, c'est pas beaucoup. Non, mais, mais c'est pas vrai, ça, qu'on sent. Après le jogging, il en reste 4. Mais c'est pas vrai, ça, qu'on s'endort, nous, en amour. Oh. Mais vous choisissez peut-être pas les bons hommes, c'est ça la fin. J'ai choisi toujours les bons hommes, c'est selon les périodes de ma vie. Ah. Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, bon, ça c'est intéressant parce que parlons des bons. Vous êtes mariée combien de fois, Madame Bombardier? Ben j'étais mariée. Vite de même. 4 fois, dont 2 fois avec le même homme quand même. Ah. Mais avec ça le père pas, de mon fils, donc ça fait 3 fois. Deux fois avec le même homme. Oui. Ah. Oui. Et quoi, il est amnésique? Non. Est-ce que je suis allé trop loin? Je suis peut-être allé trop loin, je suis désolé. C'est mon gros défaut. Mais c'est ça qui fait que sa carrière est ici à la radio. Hein. Aimez-vous, Mme Filiatreau? Vous êtes mariée une fois, mais vous n'avez même pas divorcé. Je disais ça dans Non, c'est vrai. Non, on ne divorçait pas à l'époque, c'est vrai. Fait que vous êtes encore mariée, finalement? Non, je suis veuve. Ah, oh, pardon. Mon Dieu, je me sens mal. Bien. Alors, ça, oui. Alors là, les garçons, là, allez-y. Non, arrête. Sortez-nous les. Pour toi. Ben non, allez, mais attendez. Mais... Questions, s'il vous plaît. Pardon? Questions, s'il vous plaît. Ben vos questions. Vous n'avez pas des questions? Vous aviez une liste de questions, vous autres? Vous êtes non, préparés? Non, moi, tout, nous, okay? Nous, les questions, on les ressent. On les invente au fur et à mesure. Voilà. C'est vrai? Et vous, est-ce que vous aimez être amoureux? Ah, mon Dieu. Êtes-vous marié, vous? Non, je ne suis pas marié. Non, vous je suis jeune, ben vous avez le temps. Ben, être amoureux. Oui. Il y a 33 ans. C'est bien. 34. 34 maintenant. Oh mon Dieu, ben il en fait 27. C'est une bonne nouvelle. C'est vrai, vous faites tout jeune. Ah oui, ben non, mais ça va bien, moi. Est-ce que vous êtes plus drôle quand vous êtes amoureux ou pas amoureux? Eh hey boy, la bonne question, toi, chose. Ça lui prend des textes, c'est ça, l'affaire. Ouais. Il prêche pas sa paroisse. Ouais, ben regardez, hein, son contrat n'est pas signé pour l'année prochaine, on s'en parlera. Hein? Hein? Non, mais on est bien en amour. C'est vrai que c'est plus le fun d'être en amour que de ne pas être en amour. Sauf que quand on est en amour, il y a une certaine paix qui s'installe, une paix créatrice aussi. Oui, qui nous permet de créer. Oui, tout à fait. Ah, ben pas moi. Moi, quand j'étais en amour, oh non, je ne voulais rien savoir de créer. Non, non, non. Mais voyons, tu continues à travailler, Denise. Ben, je travaillais. Mais c'était de la. De la mécanique? Non, de la. Alimentaire? Synonyme de la. En tout cas, ça. C'était plate? Tu sais, tu dis tu fais toujours la même chose, c'est normal. La routine. La routine. Ah, oui, oui, oui. Tu veux dire que quand tu es en amour... Ah, moi, écoute-moi, j'étais avec Claude Sauté à Paris. Et j'avais une scène de film à tourner dans Mado. Et puis, il devait la tourner une journée. Puis, il a décidé de la tourner le lendemain. Je voulais le tuer parce que mon chum m'attendait à Montréal. Alors, il dit, écoute, ce que je peux faire pour toi, c'est... Il parlait très, très vite, Sauté. Il dit, écoute, je vais te prendre de dos et je vais mettre la maquilleuse à ta place. Voilà, c'est tout. Ben, j'ai dit, fais-le. Ah, mon Dieu, que c'est pas professionnel, c'est pas ça. Non, c'est pas professionnel, puis c'est pas mon genre. Mais quand je suis en amour, je suis plus professionnel. Ah, c'est pour ça que ça. Ben, je comprends. C'est pour ça. Ben, alors, c'est un peu fatigué. Ça fait longtemps que je suis en amour. Maintenant, je suis devenu. Ah, oui, ben, vous êtes extrêmement professionnel depuis plusieurs années. Hein. C'est ça l'histoire. Mais vous me regardez comme ça, mon Dieu, que ça m'impressionne d'avoir deux Denise comme ça qui sont à mes côtés. Je quand je suis en amour, il n'y avait pas... Ben, attendez un peu. Moi, je suis rien, moi, dans ce milieu-là. Ben non, vous êtes toutes. Arrêtez, voyons donc. Arrêtez, c'est vrai, voyons donc. Il ne faut pas parler comme ça. Je crois même pas. Attends, mais Denise Filiatro et Denise Bombardier, j'aurais jamais rêvé à ça. Pour la Saint-Valentin, non, ça, à moi? Vous êtes pas rien. À moi? Vos textes, on fait plus. Mais vous êtes loin d'être rien. Mais attendez un peu, c'est intense. Mais moi, quand je suis en amour, quand j'étais en amour, parce que je le suis encore, mais je prends pas l'avion à 5 minutes d'avis. Moi, je prenais l'avion à 5 minutes d'avis pour aller n'importe où. Mais toutes les femmes vont faire ça, non? Pas toutes les femmes, non. En fait, c'est que oui, la dame a la raison. Ben voilà. Oui. C'est ça. Parce qu'on n'est pas intelligent en amour. Je ne sais pas vous. Mais il n'y a pas moyen d'être intelligent en amour. Non. Non. Ben, mon Dieu, calmez-vous. Heureusement. Non, mais heureusement. Heureusement. Non, je ne serais pas en amour. Mais ben non. Oui, c'est... parce que l'amour, mais... c'est... l'amour là, c'est... Ouais. Vous êtes devant. C'est vertigineux. Oui. Ouais. Hein? Alors donc, vous perdez pied. Et c'est parce qu'on perd pied qu'on est en amour. Ce qu'on éprouve. Et c'est parce qu'on perd pied qu'on pense que l'homme qu'on aime, et on mettrait les milliards d'hommes sur la terre et ce serait juste lui. Mais juste lui, il faut que le regard soit magnifié. Parce qu'au fond, les gens sont formidables. Mais en même temps, pourquoi on en aime un? Et c'est ce que lui, il faut que tout ce qu'il est passe à travers notre regard. Oui, et sinon... les gens qui disent, moi je suis réaliste en amour, moi je le... Si vous êtes réaliste, mais je vous dirais que c'est presque pareil, même dans mon rapport avec vous. Oui. Hein? Oui. Et avec Fred. Ah, ben, calmez-vous sur Fred, par exemple. Hein? Et avec le beau Olivier. Oh, non, ben, attendez un peu. Là. C'est que je vous vois, et là, je vous vois avec des attributs que je dépose sur vous. Ah, comme, bon, mon Dieu, c'est donc intéressant. Comme... comme une lourdeur. Là. J'ai une émotion pour vous, c'est pour ça. Ah. Quand je vous vois dans un corridor et qu'il y a, je sais pas, 10 000 hommes, vous êtes mon préféré. Moi, je vais vous ça, voir. J'aime ça. Et quant à vous, quand je vous vois, eh bien, je palpite, quoi. Ben, Je vais me prendre une petite gorgée. On va prendre une petite pause, on va aller écouter d'autres choses parce que, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, on ne peut pas passer toute l'heure à parler. Là, il y a d'autres choses qu'il faut écouter. Vous savez, les Olympiques de Sochi sont commencés et on se doute bien que notre ami Jean-Étienne Heute, que vous connaissez tous, a une opinion très arrêtée là-dessus. On l'écoute. Vous écoutez le Radio Vision le 14:30 AM. Jean-Étienne Heude avec vous d'esprit, mais ce matin mon cœur est en berne. Vous devez vous demander pourquoi, comme Gladys Patoise derrière sa console, digne d'une radio de Cité Soleil. Eh bien, c'est parce que les Jeux de Sochi nous rappellent que même en hiver, la satanée saison blanche, le racisme frappe encore. Pour moi, c'est clair, on nous discrimine dès que le mercure descend sous zéro. Pas de noir en curling, racisme. Pas de noir en ski acrobatique, racisme. Pas de noir en toboggan, racisme. Et ça ne fait pas rire les oiseaux. Pourtant, en jeu d'été, nous sommes les meilleurs dans bien des sports comme l'athlétisme. Mais pourquoi, quand les flocons blancs emplissent le ciel, nous perdrions toutes nos facultés physiques? Hiver pas vaudou! Heureusement, Piqué Souban, meilleur défenseur de l'équipe canadienne, sauvera l'honneur de tous les Kunta Kinte. Si seulement l'équipe de hockey féminin avait sa Piquette Souban. Visiblement, les femmes n'ont pas fait le même chemin que les hommes sous la route de l'égalité. Si j'étais responsable de la délégation olympique canadienne, je prendrais comme entraîneur en chef Denise Filiatro. C'est une des premières à avoir ouvert les portes de son restaurant chez Denise à un noir, Norman Brathwaite. Aujourd'hui, un des hommes les plus puissants du Québec. Comme le dit le poète créole, à pas tout divler, c'est Pekimet. C'est pas tout de vouloir, c'est pouvoir qui est le maître. Et le maître, c'est Maître Marcel Aubu, président du comité olympique canadien qui un jour devra rendre des comptes sur le racisme qui sévit sous les flocons canadiens. Ah, Jean-Étienne, quand on disait qu'il y avait des mauvaises nouvelles, il faut aller parler à Jean-Sébastien Girard immédiatement. Jean-Sébastien, bonsoir. Bonsoir, Jean-Philippe. Premier segment de Parlez-moi des hommes et je commence cet entretien avec Mme Sandrine Turcotte, qui est l'épouse du petit Olivier Liquet. Mme Turcotte, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir à vous également. Alors bon, premièrement, évidemment, tout le monde connaît Olivier. On le sait, Olivier, c'est l'archétype du bon gars, toujours à sa place. Jamais un mot plus haut que l'autre. D'ailleurs, quand je lui dis bonjour le matin dans le bureau, je vois toujours l'anxiété dans son regard à être obligé de devoir me répondre bonjour à son tour. Mais pauvre, fait, dites-moi, s'il vous plaît, qu'à la maison, il est complètement différent, qu'à la limite, il parle, qui vous crie après, qui bat ses enfants, qui vous crache dans le visage durant la sexualité. En fait, oui, tout ça. Vraiment? Oui, oui, absolument. Dans l'intimité, c'est complètement autre chose. Restons dans le thème de l'intimité. Parlons de votre sexualité, Sandrine. La question que tout le monde se pose, évidemment, quand vous avez de la sexualité avec lui, est-ce qu'il exprime son plaisir vocalement ou est-ce qu'il parle enregistrement d'un gars qui se lamente? Ça dépend des semaines. Et maintenant, au-delà de ces considérations, surtout ce qui m'inquiète, est-ce que Olivier subvient aux besoins de votre famille? Je veux dire, vous auriez pu marier un professionnel, un notable, un homme qui ramène de l'argent à la maison. Je veux dire, quand vous étiez petit, est-ce que vous rêviez vraiment de faire votre vie avec un autiste qui travaille 5 minutes par semaine? Non, je vous avoue que je suis moi-même surprise de cela. Sandrine, votre résilience est une inspiration pour nous tous. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Et vous pouvez rester ici, évidemment, pour vous consoler. Dans quelques minutes, on reçoit une bien pire que vous, la femme de Fred Savard. Merci, Jean-Sébastien. À tout de suite. Écoutez, la Denise est encore jeune, animée par Denise Bombardier sur les ondes Ici Radio-Canada Première, une émission qui, comme Cupidon, vise le cœur quand elle lance des flèches. Eh bien, on continue avec nos deux Denise ce soir. Et j'ai immédiatement une question. Prince charmant. La question prince charmant, je sais que Denise Bombardier a trouvé son prince charmant avec Jim depuis quelques années. Mais vous, hein, je sais que la shop est fermée, là. Mais avant, là, c'était qui votre prince charmant? Qui était mon prince charmant? Oui, le vrai. Il y en a eu plusieurs. Ah, bah boy! Enfin, j'ai quelques-uns. Ah oui? OK, parfait. Est-ce, ah, ben, est-ce que Pierre Trudeau, c'est un prince charmant? Oui. Arrête! Ben, quoi? Le Pierre Trudeau? Le père de, du petit? Le père de. Le père arrête, du petit. Arrêtez ah, ouais. donc! Ah, ouais. Le père du petit? Le père du petit. Moi, je l'ai connu. Êtes-vous la mère du petit? Non. OK. Non, mais au cas où, on ne sait pas. C'est-à-dire, on s'est posé des questions. Non, mais attention, moi, je l'ai connu. Il était professeur à l'Université de Montréal. Il était professeur en droit. Ah, il n'était pas très, très connu. Non, il n'était pas très, très connu, mais il avait autant de charme, autant de culture. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Et je l'ai connu après, ben, il est devenu... Il a commencé à faire de la politique jusqu'à ce qu'il devienne premier ministre. Et il a toujours été aussi charmant, dois dire. Oui. Est-ce qu'il y a eu juste une période Mais il m'a Trudeau, préféré ou... Margaret. Ah, le chien sale. Non, c'était correct. Mais c'est donc, c'était à quelle époque, ça, Pierre Trudeau, quand il était professeur? Mais dans les années 60. 60, fin 60, oui. Début 70. Au début 70, parce qu'il est devenu ministre en 68. En 68. Voilà, ah, alors c'était fin 65, 66. Ouais. C'est avant qu'il devienne ministre. Donc ça, c'est le prince charmant numéro 1. Ouais. Prince charmant numéro 2. Non, il n'y en a pas eu d'autres. Denise Bombardier, je sais qu'il y a Jim. Qui a eu avant? Parce que là, on parle de Pierre Trudeau. Est-ce que vous avez connu un politicien, vous, par exemple? Là, je lance ça dans les airs. Non, mais chacun son politicien. Elle me tient la main. Oui, oui, mon Dieu, on dirait que vous tombez ensemble. Oui. Oui. Oui. Quel autre, mais quel prince charmant avez-vous connu, vous, dans votre vie passée? Mais c'était pas un prince charmant. Non. Ah, non. Peut-être un ténébreux. Un ténébreux n'est jamais un prince charmant. Arrêtez donc. Oui. OK. Non, un prince charmant, Développé? C'est un peu... Non, un prince charmant, c'est pas un peu plus léger que ça. C'était... Mais ça a été... Mais je ne regrette rien. Oh, parce que mon Dieu, pas... J'aurais pas pu arriver à Jim. Ah, c'est vrai! Et avant, j'ai eu une passion quand j'avais 20 ans. C'était avec qui? Demandez-vous pas pourquoi j'ai écrit Une enfance à l'eau bénite. Eh bien, il était prêtre et il a quitté l'église pour moi. Ah, mais oh mon Dieu! Le petit Jésus sera pas content contre vous. Le petit Jésus m'a pardonné depuis longtemps. De toute vous façon, le connaissez j'ai fait aussi? Beaucoup de, je lui ai fait beaucoup de bien et je lui ai apporté l'autre face de la réalité humaine. À qui ça? Voilà. À Jésus ou bien curé? Non, à. Au curé! À cet homme que j'ai. À cette passion que j'ai. À cet homme. femme que j'ai qui a traversé. Tu as dévergondé. Ben oui, disons les vrais mots là. La passion, mais je n'ai des vagues, des personnes, c'est bien, je prends personne de force. Mais c'était la passion de mes 20 ans. C'était la passion de mes 20 ans, dans ma vingtaine. Donc, et c'était extraordinaire. Mais c'était particulier. Ben, je peux comprendre. Qu'est-ce qui est si extraordinaire à... Eh bien, il y avait une sorte de pureté, de naïveté, et puis de l'interdit, Et puis, d'interdit, oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Il est allé voir l'évêque trop vite à mon goût. Ah ouais? Mais c'est vrai qu'il y avait aussi... Il y avait aussi cette notion-là, compte tenu de l'éducation dans laquelle on était. Et je continue de croire, et je vais le croire jusqu'à la fin de mes jours, oui, que l'interdit, une certaine interdit, un certain interdit qui n'est pas paralysant, ajoute énormément à la relation érotique. Ben oui. Mais érotique! Est-ce qu'il y a quelque chose d'interdit avec Jim, là? Ça compte. Non, ben non, ils sont mariés et tout. Voilà. Non, ouais, mais c'est la forme, c'est pas l'interdit. Là, j'ai épousé le conquérant. Il y avait aussi quand même. Il y avait là, c'était quelque chose d'excitant aussi, parce que c'est un Anglais, donc c'est pas. Mais ça, c'est une bonne question. Et alors, quand il parle anglais, ce qui est très rare. Il y a tellement de charme, les British. À ce point-là. Quand il parle. Oh, shit, oui. Ah ben ouais. Mais attendez un peu. Mais c'est contenu, tout est retenu, tout est contenu. C'est quoi le charme d'un British, Mme Filiatro? Eh bien... Je sais, mon Dieu, comment l'expliquer? Mais Jim a ce charme-là, n'est-ce pas? Jim, oui, tout à fait. Arrêtez de vous lancer des fleurs. Mais non, mais elle le sait. Elle le voit à longueur de la longueur. Ils ont beaucoup d'allure, ils ont du charme, ils sont gentils avec les femmes, ils sont grands seigneurs, ils ont... Ils sont magnifiques aussi. Et quand ils... Et ils ont une ardeur qui est du domaine de la vie privée. Une très grande ardeur. D'autant plus fort. Ben oui, c'est bon. D'autant plus fort. Ça sera invité la semaine prochaine. Mon cher. D'autant plus fort qu'ils sont contenus quand ils sont à l'extérieur. La première fois que j'étais avec lui dans la rue à Paris et que j'ai dit je suis venue pour l'embrasser, il m'a dit non, chérie, plus, tout à l'heure. Quand nous sommes dans l'appartement, vous vous rendez compte? Ben oui. Mais c'est beau, c'est ça, c'est pas fâchant, ça. Mais ça, c'est très excitant, cher ami. Voyons donc. Ben oui, il faut qu'elle se retienne jusqu'à d'arriver à la chambre. Je sais bien. Mais pour Denise Bombardier, ça doit plus être possible de s'obtenir de même. Est-ce que vous vous répandez devant tout le monde? Moi, je French à qui le veux-tu? Hein? Le French est la nouvelle poignée de main, Mme Bombardier. Faut savoir ces choses-là. Eh bien, alors, ça veut dire qu'il faut se laver la langue avant, comme on se lave les mains, c'est ça? Pourquoi pas? Ben, j'ai constamment un Purel un peu. Je bois du Purel, moi. Tu sèches l'intérieur des coudes aussi. Ouais. je n'arrête pas. Là, on parle évidemment des Anglais, du flegme british, mais vous côtoyez des jeunes, vous, avec vos pièces de théâtre, vos 157 pièces de théâtre annuelles. Ouais. Les jeunes, là, et l'amour, là, quel constat peut faire en 2014? Quel constat? Ben, ils ont à passer par où on est passé. C'est la même chose que... On réinvente la roue. Oui, voyons. Ils sont heureux, ils ont de la peine, ils craignent, ils veulent plus, ils aiment plus, ils souffrent. Ça te fait de la peine quand tu vois les jeunes souffrir d'amour, c'est qu'ils ont le mal. Ça te fait mal. Mais tu sais qu'il faut qu'ils passent par là, tu ne veux pas rien faire, il faut qu'ils s'en sortent par eux-mêmes. Mais les problèmes sont les mêmes, et pour les filles et pour les gars. Il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé. Non, du fond des émotions humaines, rien. Et c'est pour ça qu'on fait... Là, Saint-Valentin, il y a des gens qui... Fabienne Larouche, ce matin, je l'ai rencontrée dans les studios, elle dit, mais moi, je ne fais pas ça, je ne fais pas les fêtes. Oh. Elle ne fait pas ça, mais elle était avec son amoureux, elle est toujours avec. Et c'est un couple fusionnel. Ben, c'est la Saint-Valentin tous les jours. Mais c'est la Saint-Valentin tous les jours. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde aspire à ça. Ouais, oui. C'est pas vrai. Les gens qui vous disent, moi, ça m'intéresse pas l'amour, là. Ben là, il y a Denise Filiatro. Non, mais Denise, elle a donné. Denise, elle a la dignité de son âge, quand même. Oui, mais pas folle. Elle va pas vous dire qu'elle va se mettre à courir les hommes. Voyez-vous, à 82 ans. Franchement. Et 8 mois, commencer à crouser. Ben voyons donc, mais il n'y a pas d'âge pour ça. Ben voyons. J'aurais l'air ridicule. Je pourrais pas l'air. Je serais ridicule. Et c'est comme si vous, par exemple, vous vous mettiez à crouser des vieilles femmes. Ben voyons donc. Vous êtes malade mental. Jamais j'irai là. Ben non, j'espère. J'ai pas besoin de... Ben alors, c'est ce qu'elle vous dit. Qu'est-ce que je considère vieux, moi? Ben, vous le savez pas. Ah, yes. Non, mais, bon, mais si vous considérez des gens beaucoup plus âgés que vous, les femmes, vous les considérez jeunes, vous avez un problème, je vais appeler votre mère, je vais lui dire de vous trouver un bon petit. Ben voyons donc, vous! Ben voyons donc! On a encore plein de sujets à discuter, mais malheureusement, il faut aller écouter Fred Savard, qui a préparé un discours. Oui, je suis désolé, vraiment, je suis vraiment désolé. Allez! Alors, permettez-moi de faire un retour sur le premier passage de Mme Denise Bombardier à notre émission. C'était il y a presque un an, jour pour jour, l'an dernier. C'était aussi à Saint-Valentin. Nous avions peu d'attentes, mais nous fûmes soufflés par la prestance et le plaisir, que nous apportons celle qu'on appelle affectueusement maintenant Denise. Je me rappelle même très clairement la chronique que j'avais écrite, une autre de ces chroniques épiques dont les gens se rappellent des années après. Souvenez-vous, Jean-Philippe, j'ai étalé d'une apologie du célibat comme quoi nous pouvions être très heureux tout en vivant seuls. Et à titre de rappel, et pour votre bon plaisir, surtout le mien, je vais vous présenter quelques extraits afin de bien goûter le travail d'orfèvre derrière cette prose majestueuse qui est la mienne. Alors, cela allait comme suit. Ainsi donc, j'ai une illumination qui m'a permis d'arriver à la conclusion qu'il y a trop d'amour dans notre société. Je sais, ça semble gros, mais il suffit d'ouvrir les journaux de cette semaine pour se rendre compte qu'il y a un complot pour qu'on se sente mal d'être célibataire, comme si c'était anormal. Ça, c'était l'an dernier. Je me relis, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai écrit cela. Alors, poursuivons avec d'autres extraits. Je sais que Mme Bombardier avait adoré, d'ailleurs, cette chronique. Elle me l'avait dit après l'émission. Évidemment, comment voulez-vous qu'il en soit autrement, puisque dès notre plus tendre enfance, on nous gave des mêmes contes, ces contes qui nous programment pour la vie de couple. Pensez juste à Cendrillon, Blanche-Neige. Imaginez un instant que Cendrillon, dans le but d'arrêter de torcher ses sœurs marâtres, sacre son camp de chez elle et se pogne un 3,5 au lieu d'attendre la venue du prince charmant. Waouh, quelle plume quand même. Le propos est maintenant suranné, oui, mais le souffle est là. Je vous entends encore dire « Oui, mais la libido, que fais-tu quand elle est dans le tapis ?» Eh bien, je passe aspirateur sur le tapis. Et la libido est peut-être aussi une invention du grand capital d'ailleurs. Au pire, il y a la veuve Poignet. Et sinon, au pire du pire, je reprends ma douche d'où jaillit de si bonnes réflexions. Je peux vous dire une chose, les temps changent, mes chers amis. Parce que, sans répudier ce que j'ai écrit et livré l'an dernier à ce même micro, je dois avouer que la flèche de notre Cupidon m'a frappé le cœur, puisque deux semaines seulement après cette chronique, j'ai succombé au chant de la sirène et j'ai plongé dans les méandres de l'amour. Ce ne fut pas facile d'abandonner l'idée de dormir en étoile dans son lit, de vivre dans un appartement pas aussi propre que madame le voudrait, puisqu'il faut toujours négocier pour des petites choses, comme justement refuser d'avoir une femme de ménage, puisque c'est tellement bourgeois de faire torcher sa maison par une caste inférieure. Mais oui, mesdames, j'ai finalement laissé mon cœur aimer quelqu'un d'autre que moi, et franchement, je ne le regrette pas. Oui, j'abandonne le plaisir que me procuraient les soirées folles chez Roger à rencontrer des centaines de femmes afin d'échanger sur des sujets aussi variés que l'architecture russe dans les années 20, la crise alimentaire du Sahel et parfois même la fellation. Trois sujets que je réserve maintenant à ma douce moitié que vous entendrez avec Jean-Sébastien un peu plus tard. J'espère d'ailleurs que, contrairement à ce qu'il fait d'habitude, il respectera ses interlocutrices cette semaine. Je sais qu'en écrivant ces lignes, j'en déçois plus d'une et en premier lieu Mme Bombardier, sûrement. Mais sachez qu'il y a une lumière pour vous toutes, mesdames, puisque je ne suis pas le dernier de ma lignée, car mon fils pointe à l'horizon du charme et de son extrême beauté, deux qualités qu'il a héritées de son père, bien sûr. Il est encore trop tôt pour savoir s'il marchera à voile ou à vapeur, mais au moins, un autre Savard poursuivra dans quelques années l'œuvre de bon goût et de volupté que j'ai entamée. Oui, je me retire du marché, je pars pour un long voyage, je l'espère, dans les contrées de la monogamie. Seigneur. Un pays accueillant qui sera, j'ose croire, moins plat que la Belgique. Bref, Seigneur. Madame Bombardier, il y a un an, vous m'avez inspiré l'amour. Ce soir, je l'exprime par ma plume et je remets mon cœur entre les mains de ma douce moitié, qui est d'ailleurs pas très loin d'ici et qui doit certainement défaillir à m'entendre. Sur ce, je souhaite une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux et accessoirement à tous les perdants qui ne le sont pas. Monsieur Savard, vous m'aviez averti que c'était un hommage à l'amour, c'était un hommage à vous finalement. C'est comme ça à chaque semaine depuis un an et demi. C'est ça. Eh bien, on va aller retrouver Jean-Sébastien Girard qui justement doit être avec Madame Savard. Jean-Sébastien? Voilà, je suis avec Madame Savard, de nom, sinon Joanie Lavoie. Je n'ai jamais vu d'ailleurs une de mes invitées lever les yeux aussi souvent au ciel pendant le biais de Fred Savard. Alors, Madame Savard, merci infiniment d'être avec nous. Plaisir, plaisir. Évidemment, la première question d'emblée qui s'impose, Joanie, pourquoi? Écoute, Jean-Sébastien, moi, j'ai deux critères. On fait le premier, il faut qu'il ressemble à mon père. Le deuxième, c'est d'être préposé aux bénéficiaires chaque jour au quotidien. C'est bien répondu. Vous avez autant d'humour que Fred. Deuxième question, évidemment. Vous avez ramassé Fred Savard sur Facebook. Vous avez entendu l'émission, vous lui avez écrit et bang, ça a fonctionné. Il n'est pas très sélectif. Entre nous, vous allez nous dire, vous avez sûrement dû vous essayer d'abord sur Niquette et Vautier. Parce que je veux dire, Fred, pour vrai, c'est quelqu'un de super fin, mais à la base, c'est pas un choix. Ah, je veux dire, vous êtes quand même jolie, vous êtes pas Helen Keller, là. Non, selon mes critères, Fred est plus qu'un choix. Préposé aux bénéficiaires, c'est mon quotidien avec Fred Savard, donc il n'y a aucun problème. Ah. En même temps, je fais mon tannant depuis tantôt, parce que Fred Savard, pour vrai, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour lui, il me fait beaucoup penser à mon père. Hein. Mon père, oui, absolument. Mon père qui a passé la moitié de sa vie à la taverne avant de mourir d'un cancer du foie. Dites-moi, est-ce que ça vous fait pas peur, ça, un peu, justement? Est-ce que des fois, vous avez envie de l'acculer au pied du mur, de lui demander de choisir entre un certain Roger et vous? En fait, oui. Oui, en effet, parce que, surtout Roger, avec le nombre de groupies qui pullulent, j'ai pas le choix, ça va être bientôt moi ou lui. Exactement. Alors, Joanie, merci beaucoup d'avoir été avec moi. J'ai été très heureux de vous rencontrer. Malheureusement, c'est probablement déjà la dernière fois qu'on se rencontre, parce que Fred va probablement nous présenter une nouvelle petite blonde la semaine prochaine. Mais je vous souhaite néanmoins la plus belle des Saint-Valentin. C'est cheap, ce con. Hey, c'est pas mon équipe, ça, de travail, voyons donc. On rit parce que c'est vrai. Ben merci, ouais. Jean-Sébastien. Alors, j'ai des grandes questions à vous poser, et surtout la première. Comment on fait pour séduire une femme? On reste soi-même. Ah, ça, c'est bien difficile, ça. OK, mais je prends des notes. J'imagine. Oui, non, je sais bien. C'est bien. Je sais bien. Juste être soi-même. On garde son mystère. Ben là, c'est deux choses différentes. Là. Non, ça se complète. Parce que soi-même, si on ne l'est pas au début, ça va finir par le devenir. Ah, okay. Puis là, ça va faire mal à l'autre, ça va être trop. Ah, c'est ça qui est étonnant, OK. Alors, on reste soi-même. Ouais, les gens vont nous aimer quand même? S'ils vous aiment vraiment, c'est parce que s'ils veulent vous aimer, ils n'ont pas le choix. Ben oui. C'est that's it, là. Un regard. Ah. Un regard. Comment on fait ça? Suffit. Comment on fait ça? On regarde. Donc. Ben, attendez un peu, là. Essayez, pratiquez. Je vais essayer. J'ai pas, là, faut quand... Non, OK. Non, là, vous avez l'air, vous avez l'air d'avoir une conjonctivite. OK, je me réessaye. C'est l'enjeuner des ondes. Donc, vous n'étiez pas vous-même. Non, OK, mais je vais être moi-même. C'est parce que c'est embêtant, parce que vous savez quoi? C'est quand vous êtes mon amoureuse me regarde. Hein? Pas mal. Juste pas mal. Ça s'en vient. Je me suis frotté les yeux, là. Bon, ça marche pas. OK, deuxième question. Maintenant, une fois qu'elle est séduite en étant nous-mêmes, comment on fait pour garder une femme? Eh bien, vous vous en occupez et vous lui donnez le sentiment qu'elle est la personne la plus importante de la Terre. Vous savez ce que c'est un homme à femme? C'est quoi? Un homme à femme, et Denise va être d'accord avec moi. Un homme à femme, c'est un homme qui, lorsqu'on est en sa présence... Oui. On a l'impression qu'il n'y a aucune autre femme qui existe sur la Terre. Et ce n'est pas seulement dans des rapports amoureux. C'est des hommes qui vibrent à la présence des femmes. Et c'est pour le garder, pour garder votre amoureuse, il faut que vous lui... qu'elle ait ce sentiment-là. Mais un homme à femme, c'est souvent vu de façon péjorative, quand même. Hein? Faut se le dire. Mais un vrai homme à femme. Moi, je vous parle de la vérité. Non, je vous parle pas des gens qui sont de l'esbrouf, puis grand faiseur, grand parleur, petit faiseur. Ceux-là, il faut absolument se méfier de ces hommes-là. Comment on les reconnaît, ceux-là? Eh bien, on les reconnaît. Ils cachent pas leur jeu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non. Hein? On les voit venir de loin. Il y a beaucoup de femmes qui se font prendre parce qu'elles sont dans une situation où il faut qu'elles soient prises. Ben oui. C'est tout. Mais pour que ça dure, il faut que ça soit ça. Et il faut toujours qu'il y ait un mystère. Moi, ça fait 10 ans que je vis avec mon mari. J'ai vécu 17 ans avec le père de mon fils. Et j'ai vécu aussi avec quelques autres hommes. Avec le curé? Oui. Et à vrai dire... Le mystère? Et à vrai dire... Les hommes avec qui j'ai vécu ont toujours gardé leur mystère. Ah, moi, c'est ça, je suis d'accord avec ça. Moi, je donne même pas mon vrai nom. Parfait. Jamais donné mon vrai nom. Parfait. C'est pour ça que moi, je m'assure toujours, une fois de temps en temps, de regarder le passeport. Ah ouais? Juste faire une photocopie. Parce que si vous arrivez au poste de police, au moins, vous l'avez. Oui. Hein? Bon, c'est bien important, ça. Des fois, je lui dis, Denise, c'est à 16 ans et demi. Elle me dit ça. C'est vrai? Ah oui, mais je m'en rends pas compte, des fois. Moi, mon mari, je le vois dans la rue. Ouais. Hein? Je le vois, je l'attends. D'abord, je l'attends, il n'arrive pas, je suis sûre qu'il y a un accident qui est mort. C'est un peu comme ça, c'est tout le temps. Bon, ouais. Deuxièmement, je le vois venir et je me dis, c'est pas possible que cet homme-là soit mon mari. Mon Dieu, que c'est le fun. C'est le regard magnifié. Ouais. Et je sais une chose, ce n'est pas le premier homme de ma vie, mais c'est le dernier. Ah oui? Et j'aurai ce regard-là jusqu'à la fin de mes jours. Ça, j'en suis absolument convaincue. Ça, c'est beau, ça. C'est très beau, ça. Et je vais vous dire, oui. Je souhaite même ça à mes amis, à mes ennemis. Vous êtes bien gentil avec vos amis. Parce que je vais vous dire une chose. Si elle connaissait ça, elle ne serait plus mes ennemis. Ah. Parce qu'elle serait beaucoup plus heureuse. Ben oui, c'est ça. Bon. Elle serait moins tendue. Oui. C'est-tu écœurant? Parce que là, on a déjà fini notre temps avec mes deux Denise préférées. Fred? Un jambon tendre est un mignon de porc et un olivier tendre, c'est encore plus mignon. Alors, pour vous, mesdames, voici la chronique amoureuse d'Olivier Niquet. Eh bien, c'est non. On l'avait, on l'a pas encore entendu, c'est le petit Olivier. Ben oui, je suis là. C'est celui qui fait des bruits. Je suis en train de compter des cure-dents. C'est non, 6 pieds 1, un petit 6 pieds 1. Oui, allez-y, Olivier, excusez-moi. Ben, c'est bien connu, hein, on taquine ceux qu'on aime. Alors, vous comprendrez que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mes amis des radios d'opinion extrême. Et aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, je vais leur dire. Sylvain Bouchard de Cogeco à Québec, je t'aime. J'aime que tu puisses rire des pauvres tout en vantant ton auditoire de petits travailleurs col rouge sans réaliser que ce sont les mêmes personnes. J'aime que tu sois capable de t'émouvoir devant des histoires touchantes comme la fois où tu as croisé... Trois femmes burqa. Trois femmes burqa qui ont eu beaucoup d'effets sur toi, grand sensible. Ça m'a choqué, bouleversé. Mais moi, j'ai eu le goût de passer une loi. Parce que c'est comme ça qu'on règle nos problèmes au Québec. On règle nos problèmes en légiférant. Et moi, la loi, je suis le seul qui la réclame au Québec. Quasiment, je vais le redire, il faut interdire la burqa. Complètement. Oui, tu veux légiférer parce que tu n'aimes pas voir des femmes burqa deux minutes avant de nous dire que tu es contre la charte parce que... Moi, je veux pas vivre dans un pays où on peut légiférer parce que des gens aiment pas ce qu'ils veulent. Tu es un modèle pour tous ceux qui souffrent d'un dédoublement de personnalité. Jean Lapierre, j'admire que tu puisses être au 98.5, au FM 93, à LCN, à TVA et dîner avec des gros bonnets. Tout ça en même temps que tu poursuis tes recherches rigoureuses pour te forger une opinion éclairée. Wow! Même chose pour Lise Ravary. Comment fais-tu pour avoir une opinion sur tout alors que moi, je n'arrive même pas à en avoir une sur toi? Denis Gravel de Radio X, j'aime ce côté rêveur qui fait que tu crois que nous serons toujours dépendants du pétrole dans le futur en confondant science et science-fiction. Ouais, mais tu sais ce que c'est le futur, hein? Moi, on m'a dit qu'un jour, les chars allaient voler, puis avec des vieilles pleures de bananes, ouais, ça allait faire du gaz. C'est pas arrivé, hein? Pourquoi citer des recherches scientifiques quand on a retour vers le futur 2? Tu me fais aussi sentir plus humain, plus vrai, juste parce que j'ai un char. Mais si tu livres la guerre à l'automobile, ouais, tu livres la guerre aux êtres humains. Tu livres la guerre... À la vraie vie. À la vraie vie. Ah, ça me rassure c'est tellement de ne pas avoir une fausse vie comme Kenny Reeves dans La Matrice. Tu comprends l'analogie? Mario Dumont, je t'aime parce que tu me fais comprendre des choses complexes avec des métaphores simples. Grâce à toi, je peux parler de péréquation, de finances internationales et de littérature avec des mots faciles comme trou de beigne, pneus d'hiver et gumballoon. Je t'aime aussi, Jérôme Landry, tu me rappelles mon enfance. Ben, en tout cas, tu me rappelles l'enfance de mon grand-père. Sa mère qui gérait la place, puis t'as géré droite. Mm-hmm. Et les revenus venaient du padré, que lui, il travaillait 80 heures semaine pour qu'on manque de rien. Mais ça, ce que tu dis là, en 2014, avec les bien-pensants, on peut plus dire ça, là. Ah, ça aussi, j'admire ça. Il faut du courage pour juger les bien-pensants qui jugent les mal-pensants. Pensez-y. Réjean Tremblay, t'es un homme riche qui vit dans un monde d'hommes riches dont les femmes restent au foyer pour élever des médailles olympiques. Tes succès m'éblouissent. Te voilà maintenant correspondant pour Radio X. Prends rétablissement, Réjean. Dominique Morin, malgré les écueils, tu as su garder ta capacité de t'émerveiller devant... La gauche en folie. La gauche poubelle en folie, les verdoyants qui continuent de danser. Ah, Dominique, j'aimerais tant que tu m'amènes au bal. Éric Duhaime, j'aime que tes convictions aillent au-delà de tout le reste, même de la raison. Joanne Marcotte, ta persévérance à vivre dans une province que tu détestes est exemplaire. Tu es une force de la nature. Carl Monette, j'aime ta façon de voir le bon côté des choses, comme la fois où tu as lu mon CV en ondes et que tu as trouvé plein de choses qui n'existent pas. J'ai reçu des dizaines d'offres d'emploi de programmeur informatique communiste grâce à toi. Peux-tu être mon Valentin? Richard Martineau, tu me montres qu'on peut aller aux confins de nos opinions parce que de toute façon, il y a un rond-point au bout. Benoît Dutrisac, j'aime ton incrédulité lorsque tu réalises que tu es interchangeable. Puis moi, je veux bien vous parler, M. Arcan. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cachette. Êtes-vous sérieuse? Vous pensez que vous parlez à Paul Arcan? Excusez-moi, c'est parce que M. Arcan, c'est mon idole, alors. Je l'écoute tous les matins, mais vous, le jour, j'ai pas le temps. Excusez-moi, M. Martineau. M. Martineau? Tu parles à Dutrisac, madame, un peu de respect. Bref, oui, je vous aime tous et pourtant, je n'ai pas l'impression que ce soit réciproque. Je privilégie les nuances, vous dénoncez mon anarcho-communisme. Je préfère la science, vous répondez qu'elle est biaisée. Pourtant, j'ai un char, j'aime le sport et l'argent, je suis même parfois d'accord avec François Legault. Si je parviens à passer outre le fait que vous pourriez me tromper n'importe quand, comme vous le faites trop souvent avec vos auditeurs, je suis sûr que nous pourrions être heureux. Il est encore temps de revenir sur nos accrochages passés, de repartir à zéro, comme dans Retour vers le futur. Ah, oh, merci Olivier! Eh bien, Jean-Sébastien? Jean-Philippe, déjà le dernier segment de ce revival de Parlez-moi des hommes. Dernier segment avec votre copine à vous, qu'on appellera ici Madame Delphine Lamotte. Delphine, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir devant moi. Je dois l'avouer, vous êtes très, très jolie. On s'est parlé un petit peu, vous semblez très, très, très gentille. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que vous êtes un peu naïve? Parce que je veux dire, est-ce que vous êtes peut-être la seule fille au Québec qui a pas vraiment se rendre compte que Jean-Philippe est probablement gay? Des doutes parfois. Quand je vois le nombre de produits pour les cheveux que Jean-Philippe a à la maison. Je veux tout un turn-off quand même. Puis ça doit quand même pas toujours être facile de sortir avec une vedette de la variété, justement. Est-ce que vous vous sentez un peu, j'imagine, comme peut se sentir la blonde d'Éric Salvain? Ben, vedette, vedette. Wow, là, c'est pas une vedette que ça, Jean-Philippe, là. Mais quand même, une simili-vedette, hein, on va dire. Comment c'est la vie au quotidien? Parce que j'imagine que de votre part, ça prend quand même beaucoup de négation d'accepter de passer après sa job, son entraînement, son chien, ses cheveux, son iPad. Oui, je l'ai reproché justement ça cette semaine. Sa vie, c'est sur son iPad, oui, oui, oui. Dites-vous, au pire, Delphine, que si jamais il vous laisse tomber au sommet de sa popularité, vous pourrez toujours vous rabattre sur Fred Savard dans quelques semaines. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À très bientôt. Adorable. Adorable Delphine. Hey, c'était utile, hein? Encore une fois, votre intervention ce soir, Jean-Sébastien? Je sais bien. Peut-être qu'on se verra la semaine prochaine. Peut-être moins bon, je suis incapable. Hey, non! Hey, tant de minutes dépensées qu'on aurait pu passer avec les deux Denise. Bye-bye, Jean-Sébastien. Flatteur. Au revoir, les deux Denise. Au revoir! Au revoir! Hey, ben, il nous reste une petite minute avant de terminer cette émission-là. C'était-tu écœur, hein? Non, mais c'est comme ça, vous savez. C'est raisonnable. Ça. Ben, je n'aurais pris plus, moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, j'ai bien aimé ça, moi. Mais merci énormément d'avoir partagé notre Saint-Valentin avec nous. Franchement, ça nous a fait plaisir. Ça fait un grand honneur. On est si bien reçus. Ben, je sais, ben, au champagne. Mais je te l'avais dit, n'est-ce pas? Ouais, je te l'avais prévenu. Bon, parce que. Comme impressé, tu sais, à dire. Ça fait trois fois. On peut vous réinviter. On réinvite. Les gens qu'on aime, on les réinvite. Ah, ouais, bon, fait. Comme vous voulez. Ouais, très bien. Ouais, ouais. Allez, va avoir du champagne encore. Toujours. Ben, j'ai l'impression qu'on n'aura pas le choix. C'est ça l'affaire. Hein? Quand on invite Mme Bombardier, il faut avoir du champagne. Oui. Je sais bien. Et quand t'es avec moi, quand elle vient chez moi, il y a toujours du champagne. Arrêtez donc. Puis quand elle vient chez moi, elle apporte son champagne. Merci énormément. Et puis, écoutez, merci à toute l'équipe pour cette fabuleuse émission. Franchement, merci au public qui sont venus. Qu'est-ce que vous voir. Avez donné à votre amoureuse, là, tous les deux? Moi, j'y vais demain matin l'acheter. Ouais. Ça, vous savez que j'ai rien donné. Ils sont en vente demain matin. Oui, c'est ça. Moi, j'achète tout. Pour la Saint-Valentin, j'achète le 15 au matin. Moi, c'est beaucoup moins cher. Vous savez que j'ai rien donné, mais moi, j'ai reçu une paire de bobettes. Ah, ben c'est gentil. Oui, oui. Et c'est vous avez rien donné? Oui. Ben non, j'y vous avez intérêt à donner ce qu'il y a dans la bobette. Ben, je pense qu'on termine cette émission-là sur ces bons mots. Merci aux deux Denise. Merci énormément. Merci, une bonne main d'applaudissement à nos à deux Denise. Ouais. Une bonne Saint-Valentin. Oui. Ici Jean-Philippe Bautier, vous souhaite de profiter de cette soirée de Saint-Valentin qui est bien encore jeune. Merci tout le monde. Oui.